On perd pas nos habitudes comme d'habitude, nous on tourne en rond. Nous on pense qu'on en essayant de rendre heureux nos darons et nos darons. Avec un chi, on te fait un son qui fait que tu chi. Sur ça vient en dessous. Même en hasla, on tourne en rond en évitant les halwa. Une patte coach mi, plus qu'il est tour. Entre les tours, c'est pas grave, on connaît les détours. Pas képis, nous on se défend devant les gens qui nous prennent pour des défauts. Ils se disent fort, comme en tant qu'au fond, tu prends toi ton fond. Comme tous fiers, démerde-toi pour ne pas tomber dans le fond. Nous on tourne en rond, trahit pas l'emmerde, t'as où c'est le transfert. Des morceaux de temps quand dans l'atmosphère. Regarde-toi, 4 mes frères, en esquivant les frontières. Toi réfléchis pas trop, tu trompes. Passe au galop, tu viendras peut-être patron. Seul sur le périph' de la conscience, t'as pas carton. Tous les soirs, on danse avec le diable, t'as pas besoin de carton. D'invitation, là, c'est ta santé, trop jeune ou pas. Parce qu'on tourne en rond, venant dans la rue, dans la tisse, dans le vice, dans le vice. On tourne en rond, venant stressé, pressant, la prise si peu de choses. Parce qu'on tourne en rond, venant on tourne en rond. Quand t'as pas un rond, tu pètes un plomb. En plus si t'es daron, tu trouves le temps plus long. Dans la rue t'es un pont, mais à l'école t'es lent. Après c'est le bon, la brute et le truand. Chaque quartier, chaque cité, ça ne fait que tourner. Les jeunes sont excités comme un groupe en tournée. Un quart, mais avec le dos ne pas tourner. Un quart, dans ta caisse le son va tourner. Ici, on sait qu'on perd notre temps, mais au bled, on veut pas retourner. Aux élections les noms changent, mais pas les choses. Tourner en rond, voilà ce que le chétan propose. Clic clic, le monde est glauque, les bombes explosent. Flic fric, voilà à quoi les jeunes s'exposent. À gauche ou à droite, c'est la même rodka. Si c'est pas ton mode, n'oublie pas la popka. Tu peux zigzaguer, mais ready comme caca. Tu peux aussi risater, mais belle qu'à la rapta. N'oublie pas, même si t'as réussi, pour un rien, tu reviens dans le caca. C'est la merde, pas comme à Beyrouth. On tourne en rond, mais si on renonce, c'est la déroute. Alors, ça bibite des trucs bizarres. Gare froid, parfois, c'est bizarre sur un son de Nisa. Mon opti, y'a pas d'heure pour tourner. Ni au placard pour y retourner. Pareil, puis le départ, on veut départ, on en départ, on va départ. Avant le départ, derrière les gendarmes et les stars. J'parle des mêmes choses, one shot. Car dans ma vie, man, c'est toujours la même chose. On dirait un CDR, yeah. Nique la célébrité, à fond dans le vice-fils. On essaie d'effrayer, d'arrêter d'être grillé. Quatre pupilles trop rouges dans le champ de caillou en train de briller. Sur nos voies, tu pars en vrille, vrai. En caisse, tu tournes, vrai. Normal, un calcol, son, vrai. Parce qu'on tourne en rond, venant. Dans la rue, dans la tisse, dans le vice, dans le vide. Un navire sans capitaine, chaviré dans les bruits, tout va si vite, j'atteins les Mac-10. À deux bas sur l'autoroute, tourne en rond dans le tête à queue. Tête à tête avec un cœur et sa tête de queue. Ça tourne en rond comme mes couilles, moi et mes rouillards. Esquive les patrouilles et les douilles dans le brouillard. Y'a de la rouille dans les tequelles et des séquelles dans les têtes de crouilles. Ça tourne pas rond, ça se brouille, dès que c'est brillant, ça part en vrille et ça crie, tout ça l'abri, bande de couillons. Bande de racailles, fini l'époque du lait caillé à la paille et des cahiers, tu détailles pour la bataille. Où les ratailles veulent te griller et te grailler. Billets d'avion via Phuket ou Tai Tai. Pendant que c'est fou les doublettes, on taille à Dubaï. Tous payent même pour stailler de la paille. Si tu roupilles, impossible de trouver la faille. Nous on est hala gangster, tourne comme un dragster. Moi et mon gangster, on s'y compte ça. On tourne en rond comme un rafale autour de la table de négoce. La paix comme une femme que l'on raconte aux morts précoces. Parce qu'on tourne en rond.